André Günther. Élu au CA. Alors, je vais donner un sentiment sur donc, une expérience récente, la mienne d'élu depuis moins d'un an, mais donc dans une période intéressante, puisque, on l'a rappelé, à la fois à un niveau très général et puis au niveau de l'école, il y a un certain nombre de changements très importants qui se produisent ou qui se préparent. Et donc, tous ces différents éléments amène évidemment un ensemble de décisions et de discussions à prendre qui, au fond, permettent de préciser, sinon de répondre à ta question, mais de préciser effectivement ce qu'on doit entendre aujourd'hui sous le terme démocratie, je veux dire, dans le contexte gouvernemental et administratif qui est le nôtre aujourd'hui. Donc, la participation au conseil d'administration permet de comprendre que, et au fond, ça, je ne fais que reprendre ce qui a été dit ici par plusieurs personnes, la démocratie, ce n'est certainement pas un fonctionnement coopératif, c'est, dans le meilleur des cas, un accompagnement à la marge de décisions et de politiques qui ont été prises ailleurs, depuis longtemps. Et donc voilà, ça se traduit comment? Une des choses que j'ai ressenties très clairement depuis que je participe au Conseil, c'est que ce fonctionnement de impératif hein, que Christian, d'autres ont décrit, c'était le fait qu'au fond, on n'a jamais vraiment le choix sur les décisions qui nous sont apparemment proposées, mais ce fonctionnement, il se reproduit à tous les étages. C'est-à-dire que ce n'est pas François Veil qui est responsable de ça. Ce qu'on ressent très clairement, c'est qu'il n'y a pas de démocratie au sommet. Le sommet, pour nous, c'est le ministère. Et donc, ça n'a aucun sens de faire de la démocratie à la base, puisque de toute façon, le système est verrouillé par en haut, et ce qu'on sent très bien, enfin, je parle évidemment sous le contrôle de mes camarades. En tout cas, moi, le sentiment que j'ai eu très clairement, c'est que le ministère a une technique et une stratégie, pas seulement par rapport à l'école, bien sûr, par rapport à l'ensemble des intervenants, qui est, j'appellerais ça tout simplement, un système de chantage permanent qui fonctionne voilà, avec, d'un côté, les cordons de la bourse, et ça se traduit en mètres carrés, en salaire, en primes, en ceci, en cela, en avantages. Qui sont octroyés d'un côté sous condition de prendre les bonnes décisions. Donc tout ça s'habille ensuite évidemment de processus intellectuels adaptés, mais la situation elle est très simple, c'est-à-dire que on a une apparence de fonctionnement rationnel et de décision par vote, mais à chaque fois on vote avec une main liée dans le dos et on ne peut au fond que prendre la décision qui a été déjà faite auparavant, et donc d'appliquer, voilà, dans le cas de Condorcet. Donc il y a Nancy, tu disais c'est grave, mais le problème c'est pas que c'est grave, c'est que c'est une stratégie. Tout a été fabriqué pour produire cet effet-là. L'empilement de plans, de décisions, d'associations à une échelle stratosphérique. Enfin, je veux dire, plus personne aujourd'hui n'est capable d'imaginer à moyen terme le résultat de l'enchevêtrement de ces différentes structures. Ça n'a tout simplement plus aucun sens d'essayer de réfléchir de façon rationnelle à ce que pourrait créer. Je pense vraiment que personne n'est capable d'imaginer ce que ça va produire dans 15 ans. Mais donc, effectivement, ce n'est pas la question. La question de l'empilement de ces dossiers qui s'imposent à nous comme aux autres institutions, c'est évidemment de produire une masse de décisions qu'il faut prendre de façon urgente. Donc ça crée une urgence. L'urgence qui est celle qu'on ressent très clairement au sein du Conseil. Alors comment ça se passe concrètement? D'abord, on est nombreux. Il y a, je sais plus, une vingtaine, une trentaine de participants à chaque fois autour de la table. Même pour des séances qui durent en général jamais moins que 3 ou 4 heures, il est clair qu'il est impossible de discuter en détail sur l'ensemble des décisions à prendre, qui sont chacune aussi importantes les unes que les autres, qui demanderaient, donc si on voulait vraiment, voilà, si on voulait avoir une discussion, disons, coopérative, on y passerait tout simplement notre vie. Ce n'est juste pas possible. Mais ces dossiers-là, ils sont envoyés par le ministère. Et donc, voilà, il faut prendre, effectivement, la série de décisions d'une complexité administrative et juridique inouïe. Et donc, voilà, ça aussi, c'est une dimension très intéressante au Conseil, d'être confronté aux détails juridiques, notamment, de ces systèmes qui sont extrêmement contraignants et dans lesquels, à chaque nouvel étage, on comprend que, eh bien non, ça, ce n'est pas possible, et que finalement, la décision qu'on peut prendre, elle se réduit à chaque étape, comme dans une filière, pour finalement dire, voilà, à peu près comme sur le vote européen, eh bien, votez oui. Bon. Alors, je pense effectivement que ce système qui est de miser à chaque moment sur la contrainte pragmatique contre le débat démocratique, et c'est évidemment toujours la contrainte pragmatique qui l'emporte, est un système qui s'impose à nous tous, c'est-à-dire aussi bien au bureau, à la présidence et à chaque institution qui est partie prenante de ces mystères sidéraux. Et donc le meilleur exemple pour moi, c'est la question des compétences élargies, où exactement comme pour Condorcet, dans une situation voilà, juridique extrêmement complexe, avec des enjeux énormes, à très long terme, une urgence, voilà, il faut prendre une décision extrêmement rapide et dont dépend tout un tas de choses. Bon. Et voilà, c'est donc je peux dire à titre personnel que la compétence élargie me paraît être une folie dans le contexte de l'école. Parce qu'évidemment, ça aura pour conséquence de technocratiser encore plus l'ensemble de nos systèmes. Et, comme tu le disais, voilà, l'autonomie, c'est surtout de faire ce qu'a décidé le ministère. Bon. Mais être contre l'autonomie au sein du conseil d'administration, c'est à peu près comme être contre la pluie un jour d'orage. Ça n'a absolument aucun sens. Il s'avère que je ne pourrais pas être là le jour du vote, et j'en suis bien content, parce que ça va m'éviter effectivement un cas de conscience. Non mais, alors, on peut en discuter. Je fais partie d'une commission de recrutement. Non, parce que en réalité, ce vote est effectivement assez délicat, et dans la mesure où la proportion exigée, qui est des deux tiers si je me souviens bien, pour que le texte passe, la moitié mais majorité absolue. Voilà. Et donc, effectivement, ça veut dire qu'il y a un vrai enjeu et qu'il y a une possibilité de jouer sur ce vote. Mais moi, ce que je ressens, et en tout cas, c'est comme ça que ça nous a été expliqué, c'est que voter contre est quelque chose qui va tout simplement conduire à mettre en difficulté notre établissement et sa présidence. Et donc, voilà, le sentiment que j'ai à titre personnel, c'est que je n'ai absolument pas le choix de mon vote. Et que je suis... Exactement, mais c'est ce que je dis depuis 10 minutes. C'est une illusion. Donc, en l'occurrence, on peut... Alors, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que on peut agir, mais sur des choses marginales. Voilà. Donc, on peut... Voilà, faire des amendements, modifier des petites choses, c'est comme le Grenelle de l'environnement, quoi. C'est-à-dire que quand c'est pas vraiment important, on te l'accorde. Mais pour des questions de politique fondamentale, le conseil d'administration ne me paraît pas être le lieu où on peut peser véritablement sur la décision. Ne serait-ce parce que ces décisions sont des questions de politique générale qui ont été décidées, en l'occurrence par la présidence et le bureau. Et que donc, ce n'est pas terme à terme que les choses se jugent. C'est-à-dire que, par exemple, la question de l'autonomie, elle est partie prenante d'une politique d'ensemble. Et on ne peut pas retirer simplement comme ça un morceau en disant, bah, écoutez, ça, celui-là, il ne me plaît pas et je le préférerais en bleu. parce que, effectivement, c'est quelque chose qui est susceptible de remettre en cause une politique. Donc voilà, c'est vrai à tous les niveaux, comme dans un système de poupées russes. Et autant je dis très clairement que la participation au Conseil est pour moi une expérience extrêmement intéressante, passionnante pour ainsi dire, parce que voilà, il y a véritablement énormément d'informations qui circulent. Et par ailleurs, on voit les processus de décision. On les voit fonctionner. Hein, et on les voit s'imposer aussi à nous. Voilà. Donc c'est toute proportion gardée, un petit peu comme si on était dans l'antichambre du ministère. Et on voit très bien comment s'exerce la pression des hauts fonctionnaires sur notre institution à travers la présidence qui voilà, essaye d'appliquer au mieux ou au moins mal des décisions contre lesquelles on peut quand même très peu de choses.